Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, opérer un mineur sans la double autorisation parentale, un risque juridique à ne pas négliger. Il arrive fréquemment que l'autorisation d'opérer un mineur n'ait été signée que par un seul des deux parents. Un divorce ou un parent absent, les situations sont multiples, parfois complexes et souvent humainement délicates. Et pourtant, l'autorisation des deux parents titulaires de l'autorité parentale est demandée pour opérer et anesthésier un mineur. Sauf, bien entendu, les exceptions du type un mineur émancipé ou alors une autorité parentale qui n'est détenue que par un seul des deux parents. Ce sont les deux seuls cas où on n'a pas besoin de la double autorisation. Alors pourquoi une telle règle ? Le consentement, en règle générale, du soigné est toujours un préalable indispensable à tout acte de soin. En effet, le Code de la santé publique énonce qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Pour revenir à cette chronique concernant les mineurs, il appartient donc aux titulaires de l'autorité parentale de donner leur consentement pour les actes concernant leur enfant mineur. Et selon le Code civil, cette autorité parentale s'exerce conjointement, quel que soit le statut juridique des parents, c'est-à-dire mariés, en concubinage, divorcés ou bien encore séparés. Ne pas se conformer à cette obligation expose tant l'établissement que le chirurgien ou bien encore l'anesthésie à des poursuites, notamment en demande de dommages et intérêts de la part du parent n'ayant pas consenti. Alors peut-on déroger cette double autorisation ? On va rappeler la notion d'acte usuel. Pour faciliter la vie au quotidien, le législateur a introduit une exception à l'autorité parentale conjointe. En effet, pour les actes dits usuels, le parent absent est présumé avoir donné son accord à l'autre parent. Malheureusement, il n'existe pas de définition réglementaire de cet acte usuel. L'acceptation la plus courante quant à la définition de cet acte est qu'il s'agit d'un acte quotidien, sans gravité, qui n'engage pas l'avenir de l'enfant ou qui s'inscrit dans la continuité d'une pratique intérieure. Ce qui n'est pas le cas d'un acte important, grave et entraînant des conséquences pour l'avenir. Il revient donc au juge, au cas par cas, de déterminer ce qui, au regard des faits de l'espèce, relève ou non de cette catégorie d'acte usuel. Pour en revenir au thème de la chronique, d'après une circulaire du 19 octobre 2009, la mission des mineurs en établissement de santé doit être considéré comme tel, comme un acte usuel, un acte de la vie courante ne présentant aucune gravité ni aucun danger. Par exemple, des soins en cas de blessures superficielles ou bien des infections bénignes. A contrario, l'intervention chirurgicale et donc l'anesthésie sont des actes lourds dont les effets peuvent engager le devenir du malade. Il semble peu prudent de les assimiler à des actes usuels et préférable de considérer qu'ils nécessitent l'accord systématique des deux parents. La difficulté, bien sûr, réside alors dans le fait d'identifier au plus tôt les situations dans lesquelles la double autorisation parentale risque de faire défaut. Ceci nécessite une véritable implication de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale. Enfin, concernant les situations d'urgence médicale. En cas d'urgence, la situation sera appréciée différemment. En effet, selon le Code de la santé publique, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et obtenir leur consentement. Cependant, en cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. L'urgence peut donc justifier qu'une intervention chirurgicale soit décidée. Bien sûr, elle ne dispense pas d'une tentative de joindre le second parent. Et cette urgence, qui est nécessaire et obligatoire, justifie cette seule unique autorisation. Mais face aux risques juridiques liés à ce type de situation, quelques précautions par le personnel médical sont à prendre. Notamment, consigner dans le dossier du patient les éléments d'appréciation médicale justifiant l'urgence et mettre en œuvre une démarche visant à contacter le second parent et conserver une trace écrite de cette démarche. Par exemple, une copie du mail envoyé au parent, conservée dans le dossier, le nom du médecin qui a tenté de joindre le parent par téléphone, en précisant par exemple le jour, l'heure et le numéro de téléphone.